Nothing's gonna change his way. Nothing's gonna change his way. Formate les individus, je ne respecte aucun rappeur, si ce n'est les individus. On ne rentre pas dans les annales en enculant son prochain. En douceur, enfoiré, une gifle est bien plus vexante qu'un crochet. Originaire d'une cambrousse où le bonheur n'est pas dans le prêt. Si je te plombe, c'est pas dans terre, cousin, je préfère le dire d'entrée. Les années passent vite, j'ai cru les voir passer sur l'autoroute. Ivec, moi je veux d'une vie pépère, pas comme les autres trous. À notre compte pour faire du son, alors qu'il est, c'est dur de gérer le bise. Le rap me fait gerber depuis que Booba s'est mis au RNB. Pape Touronois, je représente pour tous les gens quand j'ai pas coupé la parole si t'as pas la vie. En tant que si et si, pour toi le temps c'est de l'argent, pour moi ce ne sont des dettes. Y'a pas à faire la vedette, dans ce game t'es sûr de finir dead. C'est le porte à la prod et sans motif en featuring. Sortez les sons d'urinaire, la concurrence a des futuris. Gicle pas la glu dans un parapute. Faut mettre Canal Plus dans les gardes à vue. Lyrics hardcore chef, ça se bat à coup de chaîne. Rêve de la carrière à coup de chaîne. Terminé comme crew de chef, viens pas à coller ni pour m'accoster. Elle a chat, je la connais. La blague, je reste à côté. Je traîne avec des bons et des gueules d'acharnés. Polos, on peut te braquer avec un gun pas chargé. C'est sur Skyblog, les gens s'aiment et s'adorent. Mais dans la vraie vie, les gens se pèsent et alors, boy. Trop de mecs décevants, je compte en dizaines ceux qui m'effarent. Avec qui je partageais le scolaire, tellement la rage que je pourrais faire. Un double album de clash pour ces gros gros fils de pute. Les pensées malsaines m'attirent, mais je paye ces faux vite de but. Ça joue de la flûte au détriment de la simplicité que du vacarme. Lyrics bâtard, pas de pédigré dans mes couplets. Change his way.